Parmi la foule automatique, dans le métro, il me tenait d'affreux propos pornographiques auxquels rien je ne comprenais. En expertise digitale, une main chercheuse et discrète sur ma colonne vertébrale tapotait une musiquette. Je savais qu'en cette occurrence, le mieux était de ne rien dire, ma mère ayant eu la prudence en son temps de m'en avertir. Un souffle puissant d'asthmatique et malodorant par surcroît m'obligeait à une gymnastique pour m'éloigner du maladroit. À me voir frétiller de la sorte, une dame en courroux s'écria: pour la bagatelle de la porte, elles sont championnes à cet âge-là. Je savais qu'en cette occurrence, le mieux était de ne rien dire, ma mère ayant eu la prudence en son temps de m'en avertir. En me retournant sans douceur pour insulter le téméraire, je m'aperçus avec stupeur qu'il était presque octogénaire. C'était un barbu abondant et le visage débonnaire qu'on voit sur les billets de 500 lui ressemblait comme un vieux frère. Je compris qu'en cette occurrence, le mieux était de ne rien dire, ma mère ayant eu la prudence en son temps de m'en avertir. Mais au diable les convenances que m'enseignait ma maman. Peut-être qu'en cette circonstance, elle en aurait fait tout autant. J'apostrophais le vieux butor avant de franchir la portière. Souvenez-vous d'Hugo Victor, relisez l'art d'être grand-père. Printemps de la vie, on joue sans se lasser, ni se préoccuper des fonctions naturelles. Vient le moment précis, mais on est si pressé qu'on déposerait bien ça sur le jeu de marelle. On voudrait, on ne peut pas faire son pipi partout comme le chien de grand-mère. On voudrait, on ne peut pas, il y a des petits coins bâtis exprès pour ça. Au printemps de l'année, la nature est en fête, on s'en va dans les prés, on chante, on batifole, le soleil vous inspire, mais le garde champêtre à coups de pied dans les reins vous ramène à l'école. On voudrait, on ne peut pas, empaler le bonhomme sur le paratonnerre. On voudrait, on ne peut pas, car la peur du gendarme nous arrête en bas. Au 14 juillet, quand on cuit tout fondu, la vie serait plaisante, disons-le sans conteste, si l'on pouvait sans crainte assister à la revue dans le grand uniforme du paradis terrestre. On voudrait, on ne peut pas, se promener librement et tout nu comme un ver. On voudrait, on ne peut pas, la civilisation empêche de faire ça. Traverser la vie sur la bonne galère, l'est un petit monsieur qui beaucoup vous plairait. Il est loin d'être beau, mais il est millionnaire. Faudrait faire des avances, on n'osera jamais. On voudrait, on ne peut pas, on en a pourtant marre d'être célibataire. On voudrait, on ne peut pas, par timidité on rate ces affaires-là. L'hiver est venu, que les cheveux sont blancs, si la tête est solide, la mémoire fidèle, on se souvient encore de ces folies d'antan qui faisaient bouillonner notre pauvre cervelle. On voudrait, on ne peut pas, c'est toute la tragédie des humains de la terre. On voudrait, on ne peut plus que regretter à jamais le temps perdu.